Je suis toujours surpris de voir la capacité de l'être humain. Je parle de sa capacité technologique que je parle ce matin. Cette capacité de l'être humain de communiquer. Je me souviens une fois, j'étais en Israël et j'étais dans l'hôtel et j'ai pris le téléphone, j'ai pitonné un paquet de numéros et ça a pris quelques secondes. Et je parlais à Denise comme si elle était dans la chambre avec moi. J'étais à l'autre bord du monde, l'autre bord presque du monde. Et quelques secondes, c'était tellement clair que ça aurait pu être là, ça aurait été la même chose. L'être humain peut communiquer tellement. Il est sur la lune, puis il communique avec ceux qui sont sur la Terre. Puis là, dernièrement, ils sont sur Mars, puis ils communiquent avec la Terre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu certains programmes là, qui parlent des ondes, je ne sais pas quelle sorte d'ondes qu'ils font, là, qui ont des grosses coupoles, puis envoient ça vers l'univers, pour essayer de capter une onde radiophonique, ou je ne sais pas si c'est une onde radiophonique ou microwave, je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais ils essaient de capter quelque chose qui vient de l'univers, espérant qu'ils vont entendre une petite voix de quelqu'un. Capable de communiquer si loin, mais l'être humain est incapable de communiquer avec Dieu qui est assis aux côtés de lui. Hein, c'est drôle, hein? On est capable de communiquer à des millions de milles de nous autres. Mais l'être humain, il est incapable de parler avec son Dieu qui est tout près de lui. La seule capacité pour l'être humain de pouvoir communiquer, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre émetteur-récepteur. Et je me suis posé cette semaine la question, comment Adam et Ève communiquaient-ils avec Dieu? Les seules fois qu'Adam et Ève communiquent avec Dieu, qu'on a dans la Bible, c'est comment qu'ils communiquaient? Vive voix, parlait. Des fois, il voyait de quoi? Mais il entendait avec ses oreilles. Puis il parlait avec sa bouche. Donc, il pouvait communiquer avec Dieu d'une façon très humaine, je pouvais dire ainsi. Et je ne sais pas si ça aurait continué de même pour l'éternité si on n'avait pas péché. Je ne sais pas si ça aurait continué comme ça pour l'éternité ou si Dieu avait d'autres plans. On ne saura jamais. Mais après le péché, ça s'est arrêté, ça. Hein? C'était fini après ça. Après le péché, c'est Dieu qui vient vers l'homme à différents moments donnés. C'est jamais l'homme vers Dieu. C'est Dieu qui descend vers l'homme pour parler à l'homme. Il va venir à travers un ange, à travers un prophète, à travers un prêtre. C'est toujours lui qui vient vers l'homme. L'homme, dans son état de pécheur, ne veut rien savoir de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, veut que l'être humain puisse être en relation avec lui. Mais quand on s'en vient dans l'Ancien Testament, on voit Dieu qui commence à parler à Israël. Il parle à son peuple et il dit, « Mais s'en vient un temps, bientôt !» où la communication va être quasi parfaite. Il parle de cette nouvelle alliance qu'il va faire avec son peuple. Puis il lui dit qu'à ce moment-là, ça va être vraiment spécial. Qu'est-ce qui va se passer? Puis il leur dit, je vais mettre mon esprit en vous. Et là, vous allez pouvoir communiquer avec moi. De pouvoir communiquer avec moi. Je vais mettre mon esprit en vous. Et c'est parce que cet Esprit Saint-là que nous pouvons communiquer avec Dieu et que lui peut communiquer avec nous. Sans cet Esprit Saint-là, il n'y a pas de. Il n'y a pas rien de possible. Écoutez ce que je vais lire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi des hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne, ça inclut qui ça? Personne, ça veut dire? Personne, moi je t'inclus dans ce personne-là. Personne ne connaît les choses de Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est, je pense que si, hein? Si ce n'est l'Esprit de l'homme, l'Esprit de Dieu, juste l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu, juste l'Esprit de Dieu qui peut sonder Dieu. Or, l'apôtre Paul dit, « Or, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu et que Dieu nous a donné par sa grâce. » Il dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et cet Esprit-là est dans ses enfants. Donc, nous pouvons sonder les profondeurs de Dieu. Quelle vérité! Nous pouvons sonder les profondeurs de Dieu. Il n'y a pas juste de nous d'utiliser cet esprit-là qui est en nous pour sonder les profondeurs de Dieu. Et peu importe qui vous êtes, si vous avez l'Esprit de Dieu, peu importe vos capacités intellectuelles, peu importe votre degré d'éducation, peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez sonder les profondeurs de Dieu. L'œil, les oreilles, il n'y a rien dans l'être humain qui peut faire ça. Si on pouvait donc inventer une espèce de sonde, hein, ils ont des sondes pour sonder le cœur de la terre, ils ont des sondes pour sonder l'univers, ils ont toutes sortes de sondes. La seule sonde qui peut sonder Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et ça, nous l'avons. Nous l'avons. Moi, est-ce que cette semaine, j'ai trippé dans mon bureau tout seul? Juste le fait de penser que je pouvais sonder Dieu dans toute sa profondeur par l'Esprit de Dieu. C'est phénoménal, le privilège que Dieu nous a donné. Phénoménal. Et c'est ce même Esprit-là qui va révéler à Marie, à Élisabeth, à Zacharie, c'est ce même Esprit-là qui sonde toutes les profondeurs de Dieu, qui va nous révéler des choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, que l'être humain n'aurait pas pu imaginer, que notre intelligence n'aurait pas pu inventer. Moi, j'avoue, une des raisons, je dis ça souvent sur les convertis, une des raisons que je crois que la Bible est vraie, c'est que si je n'aurais pas pu l'inventer, moi, en tant qu'être humain. Ça vient de Dieu, parce que je n'aurais pas pu l'inventer, la Bible. L'être humain n'aurait pas pu inventer un tel Dieu. Impossible. Regardez toutes les religions que les hommes ont inventées. Regardez leur Dieu. C'est des grains de sable par rapport au Dieu que nous, on a. L'être humain n'aurait pas pu inventer un Dieu comme ça. C'est impossible. C'est pour ça que je crois que la Bible vient de Dieu. Parce que juste Dieu qui a pu nous dire qui il était. Et nous, il y a seulement à travers cet esprit qu'on a pu comprendre ça. Mes frères, soyons patients avec ceux qui ne comprennent pas. Soyez patients avec ceux qui ne comprennent pas. Soyez tolérants. Parce que si vous comprenez, ce n'est pas parce que vous êtes plus brillants. Pas parce que vous avez tout d'un coup eu la bonne idée de croire en Dieu. C'est pas ça. C'est que le Saint-Esprit est venu sur vous. Il a allumé la lumière. Il dit, « Ouh, je vois des choses maintenant que mes yeux ne pouvaient pas voir. » C'est seulement la grâce de Dieu. On a vu tout à l'heure la fin du verset, hein, que Dieu nous a révélé dans sa grâce. Dans sa grâce. Et on est dans Luc 1. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit avait révélé à Élisabeth. Il avait dit que l'enfant étant dans lui était rempli du Saint-Esprit. Et Élisabeth, lui, à cause qu'il était rempli du Saint-Esprit, tu gênes, en dedans, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Marie est arrivée, il a tressailli. Je ne sais pas ce que ça veut dire sauter, je ne sais pas ce que ça veut dire tressaillir. C'est-tu plus que bouger? Je sortirai dans mon dictionnaire. As-tu une bosse? Les femmes, vous connaissez les bosses qui sortent? Ma femme me dit, hey, go, il y a le pied ici. Là, je me tends en main, il y avait une bosse dans la bédaine. Je dis, oh, ça pousse. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça, mais ça poussait fort. Des fois, elle n'aimait pas ça. Elle a poussé à sa place. Ah ouais, arrête là. Et il a bougé d'une façon spéciale. Parce que cet esprit était ange dans le ventre de sa mère. Et il a dit, ton sauveur est juste au bord de la peau de ta mère. Juste au bord. On ne sait pas comment il a compris ça, mais il l'a compris assez pour bouger. Élisabeth, elle, au même moment, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit a allumé la lumière dans la tête d'Élisabeth. Élisabeth a dit, « Oh, la mère de mon Seigneur qui arrive! » Comment pouvait-elle savoir ça? Humainement parlant, impossible. Ça prenait tout si Marie, elle savait déjà. Dans le sens, elle l'avait entendu, mais qu'elle savait, elle, là, qu'elle était enceinte à ce moment-là, peut-être que oui. Peut-être que oui, peut-être qu'elle avait commencé à avoir des petits mots de cœur le lendemain matin. Et Marie, elle a su par la preuve, a dit, Dieu, dans son amour, a pourvu d'un sauveur pour moi. Il a rejeté le regard sur la bassesse de sa servante et il a suscité un puissant sauveur. Il a accompli les promesses faites à nos pères et Marie a composé le Magnificat à ce moment-là. Et là, on a Zacharie. Zacharie était muet ou sourd? Muet. Il ne pouvait pas parler. Il entendait, mais il ne pouvait pas parler. Depuis quand il ne pouvait pas parler? Quand il était dans le temple, Gabriel est arrivé, puis lui a dit, « Ta femme va devenir enceinte, tu vas avoir un garçon, et c'est lui qui va préparer le chemin du Seigneur. » Et Zacharie ne l'a pas cru. Et Gabriel lui a dit, « À cause de cela, tu vas être muet. » Et instantanément, il est devenu muet. 9 mois plus tard, quand Élisabeth est venue enceinte, est venue le temps d'accoucher, je veux dire, et qu'elle a accouché, on a voulu lui donner un nom, et ils se sont disputés un petit peu entre eux autres, et finalement, Zacharie a écrit Jean est son nom, et en écrivant son nom, il a commencé à parler. Ces phénomènes-là, extraordinaire, hors de l'ordinaire, hors de la nature. C'était des miracles qui se faisaient de la part de Dieu, parce que Dieu intervenait, il changeait les lois naturelles. Il changeait les lois naturelles. Un miracle, c'est ça, ça change une loi naturelle. Il n'aurait pas dû normalement tomber muet, puis il n'aurait pas dû non plus commencer à parler. Dieu est intervenu d'une façon miraculeuse, il a fait des choses. Et là, ces événements-là ont fait que les gens alentour d'Élisabeth, alentour de Zacharie, alentour de Jean-Baptiste, savait que Jean-Baptiste serait quelqu'un de spécial. Qui est-ce qui va être cet enfant-là pour que des choses spéciales comme ça accompagnent sa naissance? À suite de ça, on est rendu au verset 67. C'est là qu'on était rendu la semaine passée. Zacharie, à son tour, va être. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Encore une fois, rempli du Saint-Esprit. Zacharie ne s'est pas rempli du Saint-Esprit. Zacharie a été rempli du Saint-Esprit. Je vous ai dit que le verbe ici, c'est toujours, dans la langue originale, toujours des passifs. Des passifs, c'est le sujet subit l'action. Ici, c'est Zacharie qui subit une action de la part du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le remplit, et à cause qu'il est rempli, il commence à prophétiser. Il commence à dire des choses de la part de Dieu. Le prophète parle de la part de Dieu ici. Dieu veut ce matin te révéler, me révéler à moi quelque chose par rapport à par rapport à ce que lui a, par rapport à ce que son plan est pour nous. Il voulait révéler ici à Zacharie et aux gens alentour quelque chose qui nous est parvenu à cause de la parole de Dieu, qui nous est parvenu aujourd'hui. Et Dieu veut qu'on soit fortifié, comme Luc voulait fortifier Théophile. Il voulait qu'on soit sûr que ce que nous croyons, de ce que nous croyons, on soit certain. Donc, première chose qu'il va parler, qu'on a commencé à voir la semaine passée, c'est « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Donc, ce qu'on a commencé à voir, la première chose que l'ange, pas l'ange, mais le Saint-Esprit dit à travers Zacharie, « Dieu nous a racheté. » Le mot « racheté », c'est le mot « sauvé », c'est le mot « délivré ». Il a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. On a vu la semaine passée qu'il ne pouvait pas parler de Jean-Baptiste à ce moment-ci, parce que Jean-Baptiste était dans la maison de Lévi. Il descendait des Lévites, à cause qu'il était de la famille d'Aaron. Il était sacrificateur, son père. Zacharie était sacrificateur, donc il descendait des Lévites. Ici, c'est la maison de David. David venait de la maison de Judas. Donc, il ne pouvait pas parler de Jean-Baptiste ici. Il parlait de Jésus. Et Dieu a suscité un puissant sauveur, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes dans les temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment qu'il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Il dit que Dieu a suscité un puissant sauveur. Souvent, quand je parle avec les gens qui ne sont pas croyants, j'ai dit, si Dieu nous a envoyé un sauveur, ça nous dit quoi de notre état à nous en tant qu'être humain? Si Dieu envoie un sauveur, ça veut dire quoi? Là, vous parlez comme des chrétiens. Les écoutiers, ils ne répondent pas à ça. Qu'est-ce que vous répondiez avant, quand vous n'étiez pas chrétien? Vous en souvenez-vous? Qu'est-ce que vous répondiez quand quelqu'un vous disait, le prêtre, vous voyez la croix, puis il y avait un sauveur dessus, puis Jésus était mort, puis on chantait les cantiques à Noël, du sauveur, du sauveur. À quoi est-ce que vous pensiez? Il est venu nous sauver de quoi? Je n'avais aucune idée personnellement. Les premières fois que j'ai arrêté pour penser à ça, je n'avais aucune idée de quoi il était venu nous sauver. Puis je vais vous dire, bien plus, ça ne m'intéressait pas de savoir. Ce que je voulais savoir de Dieu, c'est qu'est-ce qu'il peut faire pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi là, maintenant? Peux-tu m'emmener mon cadeau de Noël que j'ai demandé au Père Noël? Quand j'étais petit, c'est ça que je pensais. On veut déjà prier pour ça? Quand j'étais jeune, j'ai déjà prié pour ça. Que Dieu dira au Père Noël, c'est ce que je voulais avoir comme cadeau de Noël. C'est ça que je pensais. Je pensais pas question que je suis mort dans mes péchés, puis que j'irai en enfer. Pense à pas ça, moi. Oui, on a. On ne peut pas penser là-dessus. Puis toutes les fois que j'ai demandé à des inconvertis, de quoi est-il venu nous sauver? Ils ne savent pas quoi répondre. Ils ne disent pas du péché parce qu'ils en font encore des péchés, qu'ils ne comprendront pas. Ils ne disent pas de l'enfer parce qu'ils ne croient pas qu'ils vont aller en enfer. Donc, puis il y en a plusieurs qui ne croient même plus que l'enfer existe. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils nous sauvent de l'enfer. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas de quoi est-ce que Jésus les a sauvés. S'il n'a pas d'enfer, as-tu perdu son temps? As-tu perdu son temps s'il n'y en a pas d'enfer? Ils ne savent pas de quoi. Mais ici, juste le fait qu'il dit qu'il est notre sauveur, ça devrait nous en dire assez qu'on était une belle gang de perdus, une gang de condamnés, je ne sais pas quoi, une gang de prisonniers, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait tout les nommer. Mais quand tu vas sauver quelqu'un, c'est parce qu'il est en danger de mort. Ah, vous, déjà été, êtes-vous déjà passé proche de vous noyer, puis vous avez crié au secours, puis quelqu'un a sauté, puis vous a sauvé de la noyade? On sauve, hein? Des gens, quand on emploie ce terme-là, il m'a sauvé. C'est pas qu'il m'a montré la direction pour aller à Montréal. Là. C'est pas ça. Là, quand on dit que quelqu'un nous a sauvés, c'est parce qu'on sait qu'on était en danger. Dieu, il dit, a suscité un puissant sauveur. Donc, ça veut dire que le danger était grand. Ça, on a besoin d'un puissant sauveur quand le danger est grand. Quand le danger n'est pas grand, on n'a pas besoin d'un gros puissant sauveur. On a besoin d'un sauveur, mais peut-être pas aussi grand. Mais si tu as besoin d'un puissant sauveur pour nous délivrer de la main de nos ennemis. Et là, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter juste pour quelques minutes sur le pourquoi il a sauvé son peuple de ses ennemis. Juste quelques petites minutes. Verset 76. Oups. Non. Pas ça. 74, excusez. Et que c'est donc pas drôle d'avoir deux ordinateurs. Je l'ai changé sur l'autre, puis je ne l'ai pas changé sur celui-là. il dit quoi? Il nous a délivrés de la main de nos ennemis afin de nous permettre de le servir sans crainte. Il vous a délivrés. Il nous a délivrés pour qu'on puisse le servir. C'est intéressant, hein? Pas pour qu'il puisse nous servir, mais pour le servir, sans crainte, sans crainte. De qui? De nos ennemis, hein? Sans crainte de nos ennemis. Il dit, il nous a délivrés de tous nos ennemis, afin qu'on puisse le servir sans crainte. Est-ce que votre vie chrétienne, est-ce que ma vie chrétienne est une vie de service envers Dieu? C'est important de se poser la question. J'ai déjà dit à des gens, si tu n'es pas en train de servir Dieu, tu n'as pas été sauvé du même salut que moi. Parce que nous avons été sauvés pour servir. Si on n'est pas en train de servir Dieu, on est légitimement, on a la raison de se poser la question, est-ce que j'ai été sauvé par le même Dieu que la Bible parle? Parce que c'est ça ma raison de mon salut. Nous, on était tellement évangélisés, puis je l'ai fait, mais si Dieu me pardonne. On emmenait l'évangile, puis c'était pour que les gens soient sauvés, qu'elle au ciel. C'était ça le but, c'est aller au ciel. C'était ça le point central de l'évangile. Accepte le Seigneur et tu vas aller au ciel. Puis c'est tout ce qu'on disait, mon gars, tu vas aller au ciel. Et tout le monde va aller au ciel. Hein, la vieille chanson, tout le monde va aller au ciel, mais il n'y a personne qui veut servir l'Éternel. Il n'y a personne qui veut servir l'Éternel dans ce monde. Dieu dit, oui, tu vas y aller au ciel, mais moi, je te sauve pour me servir. Oui, tu vas y aller au ciel, c'est certain que tu vas aller au ciel. Mais il dit, je t'ai sauvé pour me servir. Puis souvent, on passe notre temps à vouloir se faire servir par Dieu. Et si Dieu ne fait pas ce qu'on demande, on est tout de travers. Non, il dit, je t'ai mis là pour me servir. Puis il dit dans Timothée, il dit, je t'ai mis dans la maison, à différentes positions. On a toutes différentes façons de servir. Il dit, je t'ai mis où ce que je voulais dans la maison. Mais tout ce que j'ai mis dans la maison, c'est pour me servir. Quand quelque chose dans la maison ne nous sert plus à rien, qu'est-ce qu'on fait avec, James? On a déménagé? Dehors, on met ça dehors. Quand ça ne nous sert plus à rien, quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On met dehors. On ne garde pas les choses qui ne nous servent à rien. Dieu dit, moi, je t'ai mis dans la maison, dans mon temps, dans ma maison, pour que tu puisses me servir. Moi, je vous encourage à vous arrêter de temps en temps et dire, Seigneur, est-ce que je suis en train de te servir? Est-ce que je suis en train de te servir? Qu'est-ce que je fais pour te servir? Et c'est important qu'on s'arrête. Puis il dit sans crainte. Cette semaine, j'écoutais quelqu'un qui disait, sur un CD, puis il parlait, puis de façon qu'il parlait, je devais avoir peur de mes ennemis, du diable. Et, de façon qu'il parlait, il essaie de m'amener une certaine crainte du diable. Puis moi, j'ai tenté d'étudier ce passage-là. Servir sans crainte de nos ennemis. J'ai pas à craindre le diable, moi. J'ai pas à craindre le diable. J'ai pas à craindre les démons. J'ai pas à les craindre. Pourquoi je les craindrais? J'ai été appelé à servir Dieu sans crainte de mes ennemis. Parce que mes ennemis sont hontés, vaincus par le Seigneur. Et le Seigneur qui est en moi est billions de fois plus fort que mon ennemi en dehors de moi. Hein? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en dehors de nous. Celui qui est en nous est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Le prince de ce monde n'est pas plus fort que le roi de ce monde. Le propriétaire de ce monde. Pourquoi je craindrais quelqu'un qui ne peut pas me faire du mal? Je n'ai pas à craindre quelqu'un qui ne peut pas me faire du mal. Je crois que Dieu dit ça à moi. Puis il dit, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc le service, il nous appelle à marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ici, vous pouvez le prendre de deux façons. Marcher dans la sainteté, dans le sens que, si vous marchez là, faites bien attention à ne pas faire des péchés. Là. Marcher dans la sainteté, dans la justice, ça peut être ça. Ou bien non, l'autre côté de la médaille, que moi je préfère, dans la sainteté et dans la justice que je vous ai donnée en Jésus-Christ. J'aime mieux ça, là, personnellement. Il dit, n'oublie pas de marcher dans la sainteté, dans la justice que je t'ai donnée. Pas dans la tienne. Parce que ta justice à toi, c'est so-so. Ta sainteté à toi, c'est so-so. Mais la sainteté que j'ai reçue de Dieu, c'est sa sainteté que j'ai reçue. Et sa justice, il dit, il a pris sur lui notre péché, il nous a donné sa justice. Donc, je marche avec la justice de Dieu. Je marche avec la sainteté de Dieu tous les jours de ma vie. Je dois me rappeler ça. Je ne marche pas par mes propres capacités. Je ne marche pas par mes propres accomplissements. Mais je suis une espèce d'image, une espèce de miroir de la sainteté de Dieu. C'est phénoménal quand tu penses à ça. C'est vraiment spécial. On veut tellement nous faire marcher dans la sainteté des fois, les chrétiens. On veut tellement qu'on marche les fesses serrées. C'est vrai, je suis d'accord qu'on doit faire tout ce qu'on peut pour marcher dans l'obéissance. Mais j'aime mieux marcher dans sa sainteté que dans la mienne. C'est beaucoup plus libérateur, beaucoup plus exaltant de marcher dans sa sainteté, dans sa justice que dans la mienne. Parce que n'importe qui que vous êtes ce matin, je peux vous suivre à la trace comme un petit oiseau, puis piquer un paquet d'affaires, vous faites tout le temps de croche. Hein? Vous vous tentez, vous faites ça, c'est pas correct, là. C'est complètement mentir. Hey, c'est dans la vie, ça. Ah, c'est de la colère, ça. Ah, ça, c'est de l'orgueil, ça. Je pourrais vous suivre demain. Oh, mais non, je n'arrêterai pas de le dire. Vous pointez toujours du doigt. Pensez-vous que c'est vrai? En tout cas, si vous venez me voir et que vous marchez avec moi, vous allez le faire, puis vous allez peut-être avoir un doigt, vous allez peut-être avoir besoin des 10 doigts. On est loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin de la perfection. Mais en Jésus, on est parfait. En Jésus, on est complètement parfait. Il dit, n'oublie pas, François, quand je t'ai sauvé, je t'ai délivré de tous tes ennemis, afin que tu puisses marcher avec ma sainteté, avec ma justice, tous les jours de ta vie, et que tu puisses me servir avec ça. Parce que lui, c'est serviteur, et il faut tous qu'il soit saint et juste, ses serviteurs. aucun serviteur qui n'était pas saint et pas juste ne pouvait le servir. Vous vous souvenez de ça? Dans le temple, c'était pour ça le temple. Le serviteur ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu parce qu'il n'était pas saint. Il n'était pas juste. Il ne pouvait pas rentrer là. Un grand prêtre, une fois par année, rentrait dans la présence de Dieu pour mettre du sang sur le... Les autres ne pouvaient pas rentrer. Ils ne pouvaient pas rentrer. Parce qu'il n'était pas saint, il n'était pas juste. Nous, on peut rentrer dans sa présence et le servir parce qu'on a été rendu saint. On était rendu juste par Dieu. Par Dieu. Donc, c'est la première vérité qu'il donne à travers Zacharie. Je vous ai suscité un puissant sauveur. Et mon sauveur va vous sauver de vos ennemis. Ils allaient pouvoir me servir sans crainte. Ils allaient pouvoir marcher avec moi dans la justice et dans la sainteté tous les jours de votre vie. On pourra arrêter cela, puis il me semble, ça nous fera une belle journée. Ça nous fera une belle journée. Mais il dit ensuite, au verset 76, t'es là, de là, 76. Je dis, il faut acheter ça, ouais, un œil en arrière, c'est pour avoir. Toi, on va me poser un miroir, ici, hein? Un petit miroir sur le bord, pour voir. Tu voyais mes notes? En tout cas, OK, on continue. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Donc, il dit, Dieu a suscité un puissant sauveur, mais il a aussi suscité un puissant prophète. Jésus va dire de lui, il n'y a pas eu de plus grand prophète. Il n'y a pas eu d'homme plus grand que Jean-Baptiste. Pas parce que lui était grand, mais l'œuvre qu'il avait à faire était la plus grande qu'il n'avait pas eu encore. Il dit, quelle est l'œuvre de Jean-Baptiste? Qu'est-ce que Jean-Baptiste doit faire en tant que prophète? Tu marcheras devant le Seigneur. Il est venu avant Jésus. Hein? Il va commencer son ministère avant Jésus, 6 mois avant lui. Il va commencer, il va aller en avant du Seigneur pour préparer la voie du Seigneur. Vous savez, qu'est-ce qu'on avait dans le temps quand un Seigneur s'en venait ou un roi s'en venait? Il y avait toujours quelqu'un devant eux autres, les serviteurs. Vous savez, qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait littéralement le chemin. Donc, lui s'en venait sur sa chaise, là, assis sur une chaise ou sur un cheval. Et les autres en avant, ils tossaient les branches, ils tossaient les roches, ils remplissaient les trous. Ils préparaient le chemin pour que le Seigneur qui s'en venait en arrière puisse avancer sans tomber, sans trébucher, sans être attaqué. Il préparait littéralement le chemin du Seigneur. Et Jean-Baptiste est présenté comme celui qui vient devant le Seigneur, devant le roi du monde. Il va préparer le chemin du Seigneur afin qu'il puisse venir vers son peuple et le sauver. Hein, il devait préparer le chemin pour que le puissant sauveur vienne dans le peuple et préparer le chemin. Et qu'il est rendu dans le peuple, il peut sauver ce peuple. Il dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Qu'est-ce que Jean a fait? Si vous connaissez un peu le ministère de Jean, qui a duré peut-être un an, on pense à peu près un an, qu'est-ce qu'a fait Jean? Il prêchait la repentance. C'est tout ce qu'il a fait pendant un an. Il a prêché la repentance. Il dit, je vous prêche la repentance. Je vous prêche, faites-vous baptiser pour la rémission des péchés. La façon que Jean a préparé la voie du Seigneur, c'est qu'il a crié pendant un an au peuple d'Israël, « Vous êtes des pécheurs. Vous avez besoin d'être sauvés. » Il a essayé de les convaincre qu'ils étaient des pécheurs. C'est tout. Il dit, « Moi, je vous baptise. » En les baptisant, hein, il démontrait qu'ils avaient besoin d'être lavés de leurs péchés. Le baptême ne les lavait pas. Le baptême de Jean ne les lavait pas de leurs péchés. Mais démontrer qu'ils avaient besoin d'être lavés de leurs péchés. Puis Jean a continué à prêcher, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ceux qui avaient venu, ils s'étaient fait baptiser par Jean, vraiment repentants de leur vie, disant « Je crois que je suis un pécheur, j'ai besoin d'être sauvé. » Quand Jésus s'est présenté, ils l'ont reconnu, ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté. C'est drôle, hein? La Bible nous dit à certains passages que quasiment tout Israël est venu se faire baptiser par Jean. Vous savez que ce n'est pas tout Israël qui a été sauvé par Jésus. Vous savez, il y avait une gang de faunés là-dedans. Il y avait une gang de gens qui ont suivi la masse qui se faisait baptiser. Parce qu'ils n'ont pas tous été sauvés par Jésus. On le sait, ça, parce que Jésus est passé par là d'après. Plusieurs qui ont été baptisés par Jean sont devenus. Vous savez que les 12 apôtres étaient probablement tous des disciples de Jean avant. Est-ce que ça, sont devenus apôtres? Il dit, Jean va préparer la voie. Dieu, moi, en tout cas, je dis, Seigneur, tu m'as quasiment sauvé malgré moi. Des fois, je dis ça. Il savait que le Sauveur viendrait, mais que personne ne le verrait. Personne ne comprendrait. À moins qu'il leur donne la connaissance du salut par le pardon de leurs péchés. Il voulait qu'il fasse ça. Il voulait qu'il envoie avant Jean, afin que les gens comprennent qui Jésus était. Et la seule façon de comprendre qui Jésus est, c'est avant de se repentir et de comprendre qu'on a besoin d'un sauveur. C'est pour ça que je trouve ça difficile aujourd'hui, des fois, quand on entend les gens prêcher l'Évangile, et ils prêchent l'Évangile puis ils ne parlent jamais de repentance. Je trouve ça excessivement difficile. Quand je vois des hommes qui prêchent à des millions d'êtres, je dis, mais dites-leur qu'ils doivent se repentir avant. Mais non, ils prêchent que Jésus est mort, puis sauvé, puis qu'ils s'en vont au ciel, puis qu'ils vont aller au ciel, c'est ci, c'est ça, puis tu vas avoir une belle vie, puis tu vas aller bien, puis healthy and wealthy, puis en tout cas, ils en mettent toutes sortes d'affaires. Mais ils n'avaient pas prêché la repentance, c'est pourquoi est-ce qu'ils acceptent Jésus? Quelle sorte de Jésus est-ce qu'ils vont accepter si vous ne prêchez pas la repentance? La façon pour nous, aujourd'hui encore, de préparer la voie du Seigneur pour aller sauver quelqu'un. Nous autres aussi, il faut prêcher la repentance aux gens. Nous autres aussi, il faut les aider à comprendre qu'ils sont pécheurs. Nous autres aussi, il faut les aider à faire ça. Et c'est vous la meilleure façon? De leur laisser voir que vous êtes encore des pécheurs. C'est pas de leur crier qu'ils sont des pécheurs et qu'ils font ce qu'ils font. C'est voler ce que tu fais là, là. Arrête de sacrer comme ça, là. Puis c'est pas ça qui va les amener à repentance. Hein. Ça, souvent, ça les frustre bien plus que d'autres choses. C'est de leur montrer que nous, on est des pécheurs, mais qu'on a le privilège de parler avec Dieu pareil à cause de Jésus. Mais on voudrait donc leur montrer qu'on est des saints pour les amener à la repentance. Ça fait pas ça comme effet. Mais si on leur demande, moi aussi je suis un pécheur, parle comme toi, mon chum. Parle-toi. Moi tout, j'allais me faire baptiser du baptême de Jésus, je peux parler comme ça. Je suis un pécheur aussi. Un pauvre pécheur sauvé par grâce. Et la preuve que Dieu pardonne, c'est que je suis un pécheur, puis je peux lui parler pareil. Parce qu'il m'a pardonné. Je ne vous dis pas le fait exprès pour pécher avec eux autres, c'est pas ça que je suis en train de dire. Vous n'avez pas besoin de faire exprès, vous êtes pécheur pareil. Mais de laisser voir qu'on n'est pas si saint que ça en nous-mêmes, mais qu'on est parfait en Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Je pourrais vous nommer des gens, j'ai pas assez de doigts, j'ai pas assez de mains, puis même avec mes pieds. Des gens qui m'ont dit, « Ah, vous autres les chrétiens, vous pouvez croire que vous êtes des bonnes personnes, mais vous n'êtes pas meilleurs que nous autres quand on vous connaît. » Ça les rebelle, ça lui fait gricher les dents. Parce qu'on veut lui laisser croire qu'on est meilleur que ça. On n'est pas meilleur, on est gracié. Ça veut dire quoi, ça, un gracié? Un gracié, c'est avec quelqu'un qui a passé du temps en prison, puis on l'a gracié. C'est quelqu'un qui était coupable, qu'on lui a pardonné. On est des graciés, on n'est pas des parfaits, on n'est pas des gens qui ne pêchent pas, on est des graciés. Puis on a besoin de leur dire ça, puis on a besoin de voir ça. On est des graciés, non pas des bonnes personnes. Ils en connaissent des bonnes personnes, mais ils ne connaissent pas beaucoup de graciés. Ils en connaissent des bonnes personnes. Puis probablement des meilleurs que nous, on pourrait être dans notre vie. Mais des graciés, ça, ils n'en veulent pas beaucoup. Et ensuite, ça, en terminant, il dit que, au verset 79, que Dieu va éclairer, Dieu va envoyer une lumière dans le monde. Il envoie le Sauveur. Il a suscité un sauveur dans la personne de Jésus. Il envoie un prophète pour qu'on le voit. Et là, il va envoyer de la lumière. Il va envoyer de la lumière dans les ténèbres. Afin que la lumière puisse ouvrir nos yeux, puisse nous faire voir clair. Il dit, assis dans les ténèbres, parce que nous, on était dans les ténèbres, il dit, dans l'ombre de la mort, et là, maintenant, il va nous envoyer une grande lumière. C'est la personne de Jésus-Christ qui va être la lumière, qui va luire dans les ténèbres, afin que nous, on puisse voir et qu'on puisse être éclairé et qu'on puisse connaître la vérité et la paix avec Dieu, au verset 79. Il dit, dans le chemin de la paix. Ici, on peut ajouter de la paix avec Dieu, vous savez ça comme moi. Le monde n'est pas en paix présentement, mais nous, on a la paix avec Dieu. Il dit, voici Jean, ce que le Saint-Esprit a dit à Zacharie. À travers ça, Dieu va susciter un puissant sauveur pour nous permettre de le servir. Il va envoyer un puissant prophète afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il vient faire, le sauveur. Il ne vient pas vous sauver des Italiens ou des Romains, il vient vous sauver spirituellement, premièrement. Et il va venir une grande lumière parce que vous êtes dans les ténèbres. Et il va vous éclairer afin que vous puissiez marcher avec moi dans la paix de Dieu. C'est un grand passage pour nous, pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire là en tant que chrétien. Quel est le message qu'on doit porter aux gens qui sont autour de nous? Qu'est-ce qu'on va pouvoir partager à Noël avec les gens si on partage quelque chose à Noël avec les gens? Qu'est-ce que c'est pour Noël pour nous autres, les chrétiens, si Dieu nous donne la grâce de parler? Qu'est-ce qu'on fait, là? Ça, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire les autres affaires. Mais on devrait être capable, à quelque part, de partager ce que nous croyons au sujet de Noël. Que c'est la venue du puissant sauveur. Et qui est une grande lumière pour nous éclairer. Parce qu'on était assis dans les ténèbres. Maintenant, on est assis dans la lumière. Notre Père du ciel, nous sommes tes enfants. Nous avons été sauvés par toi. Oh, ça lui prend un puissant sauveur pour sauver des grands pécheurs. Ça lui prend un puissant sauveur pour détruire un puissant ennemi. Et ta parole nous dit que nous faisons partie de ces ennemis-là avant. Merci Seigneur Dieu que tu as envoyé parmi nous, en tout cas dans ma vie, un prophète qui m'a prêché aussi la repentance. Hein? Un prophète qui a préparé mon cœur afin que je puisse comprendre, afin que je puisse reconnaître la lumière qui venait. Et Seigneur, nous te prions que tu puisses nous aider à te servir. Oh Seigneur, change nos pensées qui sont tellement accroches des fois que le bonheur est dans le service. Hein? Le vrai bonheur est dans le service. On ne doit pas te servir pour être heureux, mais te servir va nous rendre heureux. Seigneur, nous te remercions que tu nous as fait le privilège d'être tes serviteurs et tes servantes. Aide-nous. Aide-nous à travailler à ton œuvre. Aide-nous à travailler à bâtir l'Église avec toi. Parce que c'est ça que tu es en train de faire. Tu n'as rien d'autre à en penser, toi, pour le moment. Bâtir ton Église. Et ensuite, venir la chercher. Glorifie-toi en nous et par nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va terminer avec un chant, si vous voulez bien.